Belle journée sur la première, tout de suite, c'est Histoire vivante. Vacarme, avec le royaume du web, du 28 au 30 septembre, à Genève. Histoire vivante, en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Fille de vie, fille de joie, ribaude commune. Cette semaine, la prostitution. Si on veut comprendre l'histoire de la prostitution, il est évident qu'il faut partir de la demande. De l'Antiquité à l'aube du XXe siècle. Aux origines de Rome, c'est violence, c'est sexe, et c'est cette image de prostitution avec la louve et la lupa qui sont présentes. Le bordel devient, dans l'esprit des magistrats du 1er et 15e siècle, un atelier de conjugalité, parce qu'on peut y apprendre à chevaucher normalement une femme. Dans la première moitié du 19e siècle, les femmes étaient recluses dans les maisons closes. Alors les courtisanes, il y en avait à tous les étages, si je puis dire, de la société. Et dans certains cas, ces femmes avaient une intelligence et une influence, il faut bien le dire, très forte sur les décisions politiques prises par leur amant. Les marginaux parisiens au XIVe et XVe siècle est un ouvrage qui paraît en 1977, signé Bronislav Guéremec. À sa sortie, le livre Les marginaux parisiens au XIVe et XVe siècle est un événement. Il est également l'objet d'un débat entre historiens dont nous vous proposons aujourd'hui quelques extraits. Ce premier épisode est intitulé « La norme et la marge ». Jean Brénouville, emprisonné le 16e jour d'avril 1392, parce que l'on dit qu'il est homme mal renommé et qu'il est larron, et que pour ses méfaits, il a été dans les prisons de l'Église. Lequel Brénouville est tonsuré et ne sait pas lire et reconnaît être bâtard. Jaspard de Leplan, ou Bloyer, emprisonné le 13e jour d'avril 1392, parce qu'il est oisif, vagabond, de mauvaise vie et renommé trompeur et tricheur au jeu de dés à ce qu'on dit. Lequel est tonsuré et ne sait pas lire. Jean Rimbaud, emprisonné le 1er jour de mai parce que soupçonné d'avoir pris et volé des joyaux pour reliques d'église qu'il exposait pour les vendre sur le Grand Pont à Paris. Lequel Rimbaud n'a point de tonsure rasée et sait bien lire. Martin Levaché, emprisonné le 13e jour de mai 1392, parce qu'il a reconnu et confessé avoir volé une houppelande et fait plusieurs autres larcins. Lequel Martin n'a pas de tonsure et ne sait pas lire, mais lorsqu'on l'a pris, sa tête était mal tondue comme celle d'un fou. Ces marginaux sont des marginaux bien définis. Jacques Le Goff. Ils ne possèdent ni indépendance économique, ni droit de cité. Le processus de développement des groupes marginaux est partie intégrante de la crise sociale du bas Moyen-Âge et par-delà même cette conjoncture historique inhérente au système féodal. Roger Chartier. Les marginaux sont ceux qui ne participent pas à un processus de production. Les marginaux sont ceux aussi que la société du temps a reconnus comme tel, à la fois dans les décisions des autorités, dans les actes de justice ou dans d'autres témoignages de la mentalité collective. Bernard Vincent, historien. Ce qui me paraît important, c'est que l'un des dangers les plus évidents lorsque l'on fait une étude de ce type, c'est de faire un catalogue, finalement, et d'avoir des catégories sociales juxtaposées, et en somme de ne pas envisager le problème général de la marginalité par rapport à une société donnée. Jean-Claude Schmitt, historien. Ce sont l'ensemble des juridictions parisiennes qui ont laissé quelques archives, juridiction ecclésiastique par exemple. C'est la juridiction criminelle propre à Paris, le Châtelet, aujourd'hui disparu, mais il reste le nom d'une place. C'est également, et pour ce Châtelet, nous avons des documents prodigieux, en particulier sur tout le monde de la prison. Et puis alors, il y a le Parlement de Paris, qui avait une juridiction très large, qui s'étendait à une bonne partie du nord de la France. Et ces sources permettent alors de suivre les marginaux dans leur pérégrination. comment ils viennent à Paris, mais aussi comment ils en partent, comment ils y reviennent. Et en fait, ce livre qui est centré sur Paris, grâce à ces archives du Parlement de Paris, s'étend à une bonne partie du bassin parisien. Et enfin, il y a des sources un peu particulières que l'on appelle les lettres de rémission. Ce sont des archives conservées aujourd'hui également, comme les autres archives nationales à Paris, et qui comprennent 200 volumes de lettres de grâce accordées moyennant finance par la chancellerie royale, c'est-à-dire l'administration de la justice du roi, mais moyennant finance, c'est-à-dire que là, les sources présentent une certaine faiblesse. Nous n'avons que des cas de criminels, de marginaux qui peut-être n'en sont plus parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils ont donc intégré à tout un monde aussi de la richesse et des appuis sociaux. Jacques Le Goff, historien. Le chiffre de la population, et ça c'est important, il y a un débat terrible entre les médiévistes. Nous n'allons pas entrer dans le détail, mais disons que Paris, fin du Moyen-Âge, a une population d'une importance exceptionnelle, de l'ordre de 200 000 habitants. Paris, du point de vue du chiffre de ses habitants, est presque un petit peu un monstre pour l'Occident de cette époque. Même si les effets de la peste ont pu diminuer, mais vraisemblablement atténués à Paris par le mouvement important d'immigration qui n'a presque jamais cessé, nous pouvons considérer que c'est à côté d'un monde où les grandes villes ont de 50 à 100 000 habitants, Paris est une très grande ville. Roger Chartier, historien. D'abord, il y a un fait topographique général qui est l'énorme déséquilibre de la ville entre la rive droite et la rive gauche. On peut ici rappeler quelques données simples. La rive droite représente 13 quartiers sur 16 dans l'organisation municipale qui se met progressivement en place sur le 15e et 16e siècle. 4/5 de la population est à peu près le même pourcentage de la masse imposable, quand on peut la saisir à travers les registres de taille des 14e, 15e ou à travers un registre d'impôts de la fin du 16e siècle de 1571. Il y a d'une part une opposition périphérie-centre, c'est-à-dire que c'est sur le long des quais, le long des remparts, qu'il y a une concentration privilégiée et une moindre dans les zones du cœur de cette grande rive droite. Et d'autre part, l'opposition entre l'Est, et en particulier le Nord et l'Est de Paris, où les marginaux sont en plus grand nombre que dans l'Ouest de la ville. Alors, sur cette trame d'ensemble, on peut broder des motifs plus précis qui sont dans le tissu urbain, les incrustations des milieux marginaux. Il y a d'une part les cours, les ruelles, toutes ces rues qui n'en sont pas, qui sont fermées. Il suffit de regarder un plan, moi je connais ceux du XVIe siècle, pour voir ce fourmillement d'espaces qui sont encastrés à l'intérieur des maisons. D'autre part les cimetières. Troisièmement, et là le fait topographique rejoint un fait juridique, les enclos privilégiés, comme le temple, c'est-à-dire ces zones qui ne sont pas soumises à la juridiction ordinaire et qui sont des pôles attractifs naturels pour une double raison, la topographie qu'on retrouve dans les cours, mais aussi la juridique, pour les milieux marginaux. Jean-Claude Schmitt, historien. Paris est en effet une ville économique de première importance, mais du point de vue de la consommation, qui s'oppose en ce sens à l'Italie du Nord, à Florence par exemple, ou au contraire à la Flandre, où là on a des ensembles de production extrêmement importants. Paris, c'est un ventre, et peut-être que du point de vue de la criminalité et de la marginalité, c'est un centre de ce point de vue d'autant plus intéressant et d'autant plus riche, car il y a beaucoup de tentations à Paris. Il y a beaucoup de tentations, il y a aussi, en raison du gigantisme de cette ville, des possibilités de recel, de cachette également. Je crois qu'il faut aussi insister sur les particularités de la structure interne de cette ville. C'est la ville universitaire par excellence. Et là aussi, nous sommes aux limites de la marginalité, car un étudiant, à cette époque-là, c'est souvent presque un criminel. Suite du débat entre historiens à propos de l'ouvrage de Bronislav Geremek, paru en 1977, Les marginaux parisiens au XIVe et XVe siècle. La présence de la royauté et des organismes monarchiques pendant la période, sauf pendant certaines époques de la guerre de Cent Ans, et encore quand quand le roi français n'était pas là, le roi anglais y était, c'était, il faut bien dire, un peu la même chose, a amené au fait que les règlements en matière de police et de répression de la criminalité ou de la marginalité qui émanait du pouvoir royal étaient probablement mieux appliqués à Paris que dans le reste du royaume. Jacques Le Goff, historien. Le monde de la marginalité est particulièrement visé par toute une série d'ordonnances royales ou de textes royaux qui se succèdent au cours de la période, dont le premier, la grande ordonnance de Jean le Bon de 1351, et puis 1354, 1367, 1371, 1382, 1389, et encore à maintes reprises au cours du XVe siècle. Et dans ces ordonnances, le motif par lequel le gouvernement royal organise la répression contre le milieu des marginaux et de la criminalité, c'est la lutte contre l'oisiveté. Je crois que voilà le thème qui apparaît avec force dans l'action royale. Bernard Vincent, historien. Quand on parle de marginalité, nous entendons bien autre chose que la criminalité elle-même aujourd'hui. On pense à toute la marginalité de type, disons, volontaire, qui n'existe guère, semble-t-il, au XIVe et au XVe siècle. C'est pas ça l'essentiel, loin, loin de là, c'est bien le monde criminel. Jacques Le Goff, historien. Pour les années 1390-1391, la liste des délits exprimés dans les documents de l'époque, trahison et crime d'État, meurtre, pillage, vol, sorcellerie, faux, jeu de hasard, chantage, incendie, diffamation, blasphème, avec deux gros postes, le vol, 57%, le pillage, 13,3%, le meurtre, seulement, si j'ose dire, 6,7%. Roger Chartier, historien. La statistique fondée sur un de ces registres qui n'emmagasine pas la menu-monnaie de la criminalité que sont ces rixes, ces bagarres qui éclatent à tout moment dans les quartiers, dans les tavernes. Et peut-être que ce silence est d'ailleurs significatif parce que ce n'est pas un silence qui nous conduit à l'inexistence du phénomène, mais au contraire à sa tellement grande banalité que dans certains registres judiciaires, on se place au niveau de l'enregistrement à un plus haut niveau et de gravité dans la criminalité. Jacques Le Goff. Si vous me permettez encore une minute, je ne résiste pas à l'envie de vous indiquer une typologie des voleurs tels qu'ils apparaissent dans des documents de 1389, 90, 91, 92, où apparaissent trois catégories. Larron, très fort larron et meurtrier. Alors, bien entendu, le très fort larron, c'est un récidiviste, c'est un voleur, si l'on peut dire, professionnel. Et puis, il y a ce voleur à qui on découvre des meurtres sur la conscience. La part respective des trois catégories, 55% pour le simple larron, 30% pour les très forts larrons et 15% pour les larrons et meurtriers. Roger Chartier. Dans les trois quarts des cas, ces larrons sont condamnés à mort. Alors, on peut peut-être essayer de s'interroger sur les raisons de cette extrême sévérité par rapport au vol. Jacques Le Goff. Dans des manuels de confesseurs, il y a effectivement de longs développements sur le vol. Mais ça se réduit presque entièrement à une casuistique de peine, où l'on dit que pour tel vol, il faudra donner telle pénitence, etc., sans que la justification théologique et morale soit donnée d'une façon approfondie. Jean-Claude Schmitt, historien. Il y a même au Moyen-Âge un essai de légitimation théologique du vol en cas de nécessité. Le pauvre qui ne peut pas travailler physiquement a le droit de prendre aux riches. Mais naturellement, cela est en contraste violent avec la réalité des peines. Roger Chartier. Alors il reste peut-être deux autres types d'explications. L'un porte sur le fait que la majorité des voleurs sont des récidivistes. La statistique que vous donniez répartissait par à peu près égal les larrons d'une part, les très forts larrons et le plus grave encore d'autre part. Et dans de nombreux cas, on voit qu'un vol entraîne sous l'effet de la torture l'énumération d'une série considérable d'autres vols. Alors il y a ce glissement quasiment automatique entre le vol isolé à la récidive. La seconde type d'explication, c'est peut-être le rapport du vol et du, du contexte global de la société, il est peut-être plus grave de voler dans une société de relative rareté, où le volume des biens de consommation, voire de production, parce que l'on peut penser au vol rural, où il s'agit là, s'il s'agit de vol d'instruments de travail, c'est la mise en cause même de la survie qui peut être posée. Donc un vol dans une société de relative rareté a peut-être une signification infiniment plus grave que dans ces sociétés de relative abondance que pourraient être celles du 19e ou du 20e siècle. Ce qui ferait qu'à ce moment-là, le décalage entre ces assez faibles condamnations au niveau des autorités et cette grande violence, cette grande force de la répression traduirait une aspiration de sécurité profondément ancrée dans la société qui a cette répulsion du vol. Jean-Claude Schmitt, historien. Ce châtiment par la mort du vol nous étonne évidemment puisque nous aurions plutôt l'impression que c'est la prison qui devrait châtier le vol. Le plus important à dire, c'est que c'est un monde perméable, une institution perméable. On y entre peu, mais on y sort en général assez vite. On y est là en attendant un jugement. Ce sont les prévenus qui sont là, et s'ils sont jugés rapidement, ils s'en sortiront, à moins en effet d'être pendus. Mais d'autre part, il y a aussi un risque en prison, c'est d'être oublié. Non pas, il ne faut pas penser là aux oubliettes que certains guides de châteaux médiévaux nous montrent, et qui sans doute n'ont pas existé, mais effectivement, on peut croupir en prison et y mourir, étant donné les conditions d'hygiène. La prison est un monde épouvantable, à cause de cette hygiène absente, aussi en raison de la torture. C'est le Moyen-Âge, il faut bien le dire, qui a institutionnalisé la torture, et d'une certaine façon l'a contrôlée aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi à la question. Et cette torture donc se met en place à cette époque-là. L'Église, d'ailleurs, a sa part de responsabilité et se développe, en somme, jusqu'au XVIIIe siècle pour ensuite disparaître dans les pays occidentaux, être exportée grâce à l'impérialisme vers les pays colonisés et revenir en force au XXe siècle, comme on sait. Roger Chartier. Cela met tout de même en cause la validité qu'on peut accorder à la liste des crimes qui sont avoués sous la torture. Il est possible qu'on ne puisse pas se fier d'une manière tout à fait automatique à cette énumération, à ce chapelet de crimes. Jean-Claude Schmitt, historien. Je suis frappé, moi, par le fait qu'il y a deux aveux. Très souvent, il y a l'aveu sous la torture et il y a l'aveu au dernier moment, l'individu rectifie. Il signale qu'il a accusé un tel ou dénoncé un tel à tort, mais il révèle un certain nombre de faits aussi complémentaires. Et la plupart du temps, il confirme ce qu'il a dit sous la torture. Jacques Le Goff. On a l'impression que, du point de vue des peines, cette société du bas Moyen-Âge a trois préoccupations essentielles. L'une, c'est de faire jouer le fait que la justice est un droit et, comme tous les droits, une source de revenus. D'où l'importance des amendes. Le monde de la justice, c'est un monde aussi, si j'ose dire, économique, juridico-économique. Le second, c'est que la peine doit surtout se manifester par l'infamie qui est apportée aux condamnés. D'où l'importance des châtiments corporels qui sont délivrés en public, et les châtiments corporels qui laissent une trace d'infamie perpétuelle, comme de couper bras, pieds, oreilles. Et enfin, l'impression que on cherche ensuite à se débarrasser des criminels, et en particulier des criminels endurcis. Alors, bien entendu, il y a deux façons de s'en débarrasser. Il y en a une très radicale, qui est la mort, et donnée sans doute plus que dans d'autres sociétés et à d'autres époques. Et puis, le bannissement. Au fond, on s'en débarrasse, on l'envoie ailleurs. Et ceci me paraît intéressant, parce que cela montre comment il y a encore des structures aussi bien mentales que concrètes, si j'ose dire, très localisées. Au fond, on est criminel à un endroit et on ne veut pas savoir ce qu'on sera ailleurs. Et puis, il y a donc à nouveau, par le phénomène du bannissement, la façon dont la justice, les pouvoirs, alimentent ce qui va être une des sources de recrutement des marginaux, le vagabondage. Bernard Vincent, historien. Ces bannis vont aussi grossir le monde de la guerre, car n'oublions pas que nous sommes en pleine guerre de 100 ans et que toutes ces bandes de brigands se font aussi bandes de soldats entre les trêves. Et au moment des trêves, la criminalité recommence. En fait, c'est la même, mais sous une autre forme. suite du débat entre historiens à propos de l'ouvrage de Bronislav Geremek, paru en 1977, « Les marginaux parisiens au XIVe et XVe siècle ». Il y a en effet des lieux criminogènes. La prison, qui est un lieu où se retrouvent les criminels, où ils échangent des informations, où des bandes se forment. Bernard Vincent, historien. Étant donné que la prison est, comme je le disais, perméable, soit qu'on en sorte, parce qu'ici les serrures ne tiennent pas toujours, soit que simplement on puisse en sortir normalement, il n'y a pas de solution de continuité entre la prison et le monde du crime. Un autre lieu, c'est la taverne. La taverne, justement, qui est inséparable de l'église. Taverne et église se font face. Ici se forme le milieu des prostituées, se forment des bandes, s'échangent des informations. Roger Chartier, historien. On voit à travers les textes que cite Guéremec la volonté de faire un départ très net entre les vrais pauvres et les faux mendiants. Les vrais pauvres, c'est les pauvres liés à la conjoncture, à l'accident individuel, biographique qu'il faut assister. Et les faux mendiants, ce sont ceux qui, par toute une série de simulations, essayent d'arracher une aumône non due. Ce thème du faux mendiant est un thème très présent dans la littérature médiévale, en particulier dans les mystères. Au XVIe siècle, on le retrouve, il prend une autre forme, c'est-à-dire qu'il prend la forme des catalogues, des classifications. Cela commence dès la fin du XVe siècle dans le monde italien et dans le monde rhénan. Jean-Claude Schmitt connaît bien le Liber Vagatorum, qui est un texte de la fin du XVe siècle. Donc, de ce point de vue, l'attitude qui sera celle de la première modernité, qui est de faire de grandes séparations à l'intérieur des assistés, est déjà en place. Du point de vue de l'institution, la vraie rupture, sont les années 1530, quand se mettent en place dans presque toutes les villes d'Europe, à commencer par les plus grandes, les villes des Pays-Bas et les villes françaises de Paris, Lyon et Rouen, une organisation nouvelle de la charité qui brise théoriquement l'aumône individuelle. La collecte de l'aumône est faite selon une taxe municipale. C'est donc la fin du geste anonyme qui mettait en rapport une personne et une autre personne. Et d'autre part, dans ces aumônes générales, ce qui est net, c'est le fait que ne seront secourus que des gens registrés, après enquête, à domicile, et qui seront désignés par le fait qu'ils porteront sur leurs vêtements une marque distinctive, un insigne ou une croix. Et alors je crois qu'il y a là quand même quelque chose d'important. Il y a un processus d'exclusion, une désignation de la différence. Tout à l'heure, vous avez fait allusion aux criminels qui portaient dans leur chair, finalement, la marque d'infamie. Ici, c'est sur leurs vêtements, un peu comme les prostituées ou comme les juifs, que les mendiants porteront cette distinction qui les séparera du reste du corps social. Jacques Le Goff, historien. Fille de vie, fille de joie, fillette de vie dissolue, femme de vie ou femme de joie, femme de vie commune, ribaude commune, folle femme, femme joyeuse, et en face du putain très rare, le merveilleux femmes amoureuses, les prostituées. Ici semble-t-il le même aspect et le même problème, exclusion et intégration. La prostitution a droit de cité, écrit Guéremec, sa présence dans le Paris du Moyen-Âge est parfaitement légalisée, elle est un métier parmi les autres. Jean-Claude Schmitt, historien. Travaille sur le Rhône, a étudié tout le milieu de la prostitution dans les villes telles que Lyon, enfin toutes les villes du bord du Rhône. Et il remarque que le milieu de la prostitution est extrêmement intégré, en fait, au milieu urbain et même au pouvoir, à l'élite de ces villes. Par exemple, c'est l'archevêque de Lyon qui possède des bordels. Ces bordels ont une cinquantaine de prostituées régulièrement appointées. Et tous les revenus de ces bordels donc sont distribués entre l'archevêque, ses chanoines, etc. On pourrait en dire autant dans les autres villes, toutes ces villes de province en somme. Or à Paris, il ne semble pas qu'il y ait ainsi de bordels institutionnalisés, autorisés et dont l'élite profiterait ouvertement en fait, puisque à Lyon par exemple, les prostituées font partie sont dans les cortèges lors des grandes processions, lors des grandes fêtes. Ce n'est pas le cas à Paris. Jacques Le Goff, historien. Un texte important laisse pourtant entendre que ou bien ça existait ou que c'était en voie de formation, puisque dans ce manuel de confession des premières années du XIIIe siècle, celui de Thomas de Chobham, où l'on voit apparaître la notion de prostitution comme métier et très curieuse notion de conscience professionnelle des prostituées, il est fait allusion au fait que quand Maurice de Sully commence à faire reconstruire l'actuelle cathédrale Notre-Dame de Paris, la corporation des prostituées de Paris veut offrir un vitrail à la Vierge. Et c'est d'ailleurs à ça qu'est rattaché un des rares débats théologiques que l'on ait eu sur la prostitution, car la question se pose, l'évêque peut-il ou non accepter que les femmes amoureuses offrent ce vitrail à la Vierge. Dans le Paris du bas Moyen-Âge, il n'y a pas cette institutionnalisation de la prostitution qu'on rencontre dans d'autres villes. Il y a un effort pour localiser la prostitution dans certaines rues, dans certains quartiers, de l'écarter des beaux quartiers. Notons toutefois sa présence dans l'île de la Cité, qui est un peu, me semble-t-il, une sorte de microcosme de la ville, car on y trouve aussi bien le pouvoir royal, le pouvoir épiscopal, la vie économique avec les marchands des ponts, le quai de Grève qui n'est pas loin, et la fameuse rue de Glatigny, une des grandes rues de la prostitution parisienne du bas Moyen-Âge. Jean-Claude Schmitt, historien. En fait, quelle est la justification de ce mouvement actuel d'intérêt pour les études de marginalité? C'est que l'on pense que c'est, dans la différence, une bonne manière d'appréhender les problèmes centraux d'une société dans sa totalité. Et ici, je dois dire que le livre de Guermec est un modèle, car à travers ce problème de la marginalité parisienne, il nous montre comment une énorme ville et toute une société passe d'un certain équilibre qui serait caractéristique du XIIIe siècle, en somme, à une période de crise très profonde, de crise structurelle caractéristique du XVe siècle. Jacques Le Goff, historien. Et je crois que Bronisław Guermec a eu tout à fait raison, à la fin de son livre, d'évoquer ce qui se passe à la même période dans le monde des sorcières et de la sorcellerie. Car c'est le moment où ne débute peut-être pas, car c'est un phénomène du XVIe, la grande persécution des sorcières, mais où se mettent en place, comme Michelet l'avait déjà très bien senti, le grand retournement et les bases idéologiques qui vont permettre la chasse aux sorcières. Nous voyons comment des personnages qui étaient plus ou moins toléré au Moyen-Âge. Christomas Sall l'a très bien montré. Le christianisme médiéval intégrait plus ou moins la religion populaire, la culture populaire dont la sorcière était l'émanation et le véhicule. Dans une de ses études, Jean-Claude Schmitt a vu comment un inquisiteur dominicain du XIIIe siècle, repérant une sorcière de village, faisait disparaître les pratiques au centre desquelles elle était, mais la personne n'était pas du tout inquiétée. Alors là, nous voyons comment une exclusion est en train de naître. Notre épisode était intitulé « La norme et la marge » avec aujourd'hui les historiens Jean-Claude Schmitt, Roger Chartier, Bernard Vincent et Jacques Le Goff. Il s'agissait d'un débat entre historiens autour de l'ouvrage de Bronisław Guermec, Les marginaux parisiens au XIVe et XVe siècle, un ouvrage paru en 1977. Demain, à la suite de cette thématique, nous aborderons plus directement la question de la prostitution en nous intéressant aux antiquités grecques et romaines.